LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La guerre froide dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin. Where are the girls? Nuclear weapons. Épisode 8, l'enfant qui sauve le monde. C'est l'histoire d'une enfant qui s'apprête à faire un grand voyage. En 1982, la guerre froide l'est un peu moins froide. Les relations entre l'Est et l'Ouest sont tendues et Samantha Smith, 11 ans, a vu comme de très nombreux Américains le film catastrophe Le jour d'après qui décrit la destruction du monde et la vie sans espoir des rescapés après un affrontement nucléaire entre l'OTAN et les forces du pacte de Varsovie. Alors elle décide d'envoyer une lettre au nouveau dirigeant de l'Union soviétique, Yuri Andropov. Cher monsieur Andropov, je m'appelle Samantha Smith, j'ai 10 ans. Félicitations pour votre nouvelle fonction. Je me suis inquiétée à propos d'une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que vous allez voter pour avoir une guerre ou pas? Si vous ne la voulez pas, dites-moi s'il vous plaît comment vous allez faire pour qu'il n'y ait pas de guerre. Une autre question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est que j'aimerais savoir pourquoi vous voulez conquérir le monde ou au moins notre pays. Dieu a fait le monde pour que nous y vivions tous ensemble dans la paix, pas pour nous combattre. Bien à vous, Samantha Smith. C'est la première fois à ma connaissance que un enfant va être utilisé dans un but de propagande, dans un contexte de guerre froide. Andrei Kozovoy est historien et spécialiste de la guerre froide côté soviétique. Donc, on ignore exactement par qui cette lettre est passée. Elle est passée certainement aussi par l'ambassade soviétique aux États-Unis. Sans doute l'ambassadeur soviétique aux États-Unis qui s'appelait Dobrynin a joué un rôle en suggérant sans doute aux instances du parti et si on n'utilisait pas cette lettre à des fins de propagande en disant après tout quoi de plus efficace qu'une opération qui mettrait en scène un enfant. On croit un enfant, il est crédible et donc en l'invitant en Union soviétique pour constater que les enfants soviétiques sont des enfants comme les autres qui jouent comme les enfants américains qui ont les mêmes préoccupations, et les dirigeants ne veulent surtout pas la guerre. La propagande anti-soviétique aux États-Unis ne correspond pas du tout à la réalité, quoi. Et donc elle va recevoir une réponse quelques temps plus tard. Chère Samantha, nous ne voulons rien de ce genre. Personne dans ce pays, ni les ouvriers et les paysans, ni les écrivains et les médecins, ni les adultes et les enfants, ni les membres du gouvernement, ne veulent d'une guerre grande ou petite. Nous voulons la paix. Et nous avons d'autres occupations. Faire pousser du blé, construire et inventer, écrire des livres et s'envoler dans l'espace. Nous voulons la paix pour nous-mêmes et pour tous les peuples de cette planète. Pour nos enfants et pour toi, Samantha. Je t'invite, si tes parents sont d'accord, à venir dans notre pays, l'été étant la meilleure saison. Tu rencontreras des jeunes gens de ton âge en visitant un camp international pour enfants, Artek, au bord de la mer. Et tu le constateras par toi-même, en Union soviétique, chacun est pour la paix et l'amitié entre les peuples. Merci pour ta lettre. Je te souhaite le meilleur dans la vie. Yuri Andropov. What's going on? They're on their way to Russia. Le voyage est organisé pour Samantha et bien sûr pour toutes les télés du monde. Si les relations sont tendues au début des années 80, c'est encore une fois autour de la question de l'armement et du nucléaire. De part et d'autre de la ligne qui sépare l'Est et l'Ouest, des missiles hérissent le paysage et inquiètent les sociétés civiles. Le film que Samantha a vu à la télé décrit la réalisation de cette terreur incarnée par les missiles Pershing de l'OTAN et les SS-20 soviétiques. Un regain d'angoisse de la destruction qui épuise les opinions publiques. On cherche des solutions. On va avoir pour le nucléaire ce qu'on va appeler les négociations SALT, qui commencent à Helsinki en 1969, Strategic Arms Limitation Talks. Nicolas Badalassi est historien, spécialiste de la guerre froide. Donc les négociations sur la limitation des armements, qui aboutit en 1972 au traité de Moscou, qui effectivement, pour la première fois, limite le nombre d'armements offensifs des deux grands. Mais on n'est pas du tout dans une logique de désarmement à ce moment-là. Et ce traité SALT va être prolongé par la suite avec des négociations SALT 2 en 1979. Le traité, lui, ne sera pas ratifié parce que aux États-Unis, justement, se développe le débat sur le fait que la détente et les négociations de limitation des armements affaiblissent l'Amérique. Donc, dans un contexte où l'URSS envahit l'Afghanistan en 79, d'aucuns à Washington considèrent qu'il faut en finir avec ces négociations et reprendre l'offensive. Et il se trouve qu'à Moscou, dans la deuxième moitié des années 70, on a exactement la même impression. La deuxième moitié des années 70 en URSS, c'est le vieillissement du pouvoir. On parle souvent de gérontocratie pour qualifier l'URSS de la fin des années 70, début des années 80. Brejnev, qui a succédé à Khrouchtchev en 64, il vieillit. Il s'intéresse de moins en moins aux affaires internationales. Il est de plus en plus incapable, en fait, de prendre des décisions. Ce qui fait que dans l'appareil soviétique, ce sont les militaires qui prennent véritablement le dessus dans la deuxième moitié de la décennie 70. Et les militaires, eux aussi, considèrent qu'il ne faut pas baisser la garde. Donc on repart dans une logique de course aux armements à partir de 1976-1977, d'un côté comme de l'autre. Et la crise qui symbolise cette reprise de la course aux armements, c'est ce qu'on appelle la crise des euromissiles, qui voit l'URSS déployer ce qu'on appelle des SS-20, donc des nouveaux missiles de courte et moyenne portée, le long du rideau de fer. Alors, en plus, ce sont des missiles dits MIRV, c'est-à-dire à plusieurs têtes. Sur un même missile, vous pouvez mettre plusieurs têtes nucléaires. Donc c'est perçu comme extrêmement dangereux. Et ces missiles-là ne rentrent pas dans la négociation SALT. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout comptabilisés dans les négociations qui se sont terminées en 72. Donc, les Soviétiques font ça dans la légalité, en réalité. Mais côté américain, on va là aussi se lancer dans une logique similaire, qui va aboutir à un paroxysme, qui est, à un moment de l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, le fameux projet IDS, c'est-à-dire Initiative de Défense Stratégique. Reagan, un peu comme Eisenhower, il est l'un de ces présidents américains qui considèrent que le nucléaire, c'est le mal. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être perçu par l'histoire, et d'abord par son opinion publique, comme le président qui aura appuyé sur le bouton et qui aura tout fait sauter. Donc, ce qu'il fait dès le moment où il arrive au pouvoir pour en finir avec la course aux armements, eh bien, il présente un projet en 1983, qui consisterait tout simplement à rendre inutile toute arme nucléaire à la surface de la Terre. Il s'agirait d'un projet fondé sur un système de satellites dans l'espace qui repérerait le moindre tir à la surface de la Terre d'armes nucléaires. Le satellite en question pourrait, grâce à un champ électromagnétique, détruire l'arme qui serait tirée. Qui, dans ce cas-là, signifierait que, vu que vous avez un système de satellite capable de stopper tout missile, ça rendrait inutile tout missile. Évidemment, face à ce système-là, alors qui n'est pas construit dans l'immédiat, parce que ça demande énormément de fonds, mais Reagan met l'URSS au pied du mur. Soit vous suivez, et vous êtes capable de mettre sur pied un système similaire, soit vous acceptez la négociation. C'est donc beaucoup de bluff à la base, mais qui va formidablement fonctionner. Samantha Smith va donc abandonner pendant 15 jours le patin à roulettes pour un beau voyage qui ressemble tout de même à une forme de diplomatie. Hier, elle préparait sa valise avec passion, comme toute petite fille de son âge qui voit un rêve se réaliser. Chaque minute du voyage de Samantha est enregistrée. On la voit préparer sa valise, monter dans l'avion qui l'amène à Moscou, descendre de l'avion qui arrive à Moscou et, toute petite, au milieu des micros et des caméras qui se pressent autour d'elle. Jusqu'ici, l'opération de communication est une réussite. The kids here and all the people here are really much like Americans. Les enfants et les gens d'ici ressemblent aux Américains, à l'exception de la langue. Je n'ai pas eu de mal à me faire des amis à Artec avec les enfants qui parlent anglais. Children there that spoke English. La couverture médiatique sera impressionnante côté soviétique, avec des photos, et en plus elle est très photogénique. Andrei Kozovoy. Donc ça contribue, je pense, aussi à la diffusion de cette image. Et il y a quand même ce qu'on appelle des effets pervers. Le but n'a pas forcément été atteint, parce que côté soviétique, les jeunes ont surtout été séduits par cet enfant. Leur fascination pour le monde américain s'en est trouvée renforcée. On sait par exemple qu'elle a été assaillie dans ce fameux camp Artec, de demandes d'enfants pour du chewing-gum, pour des stylos billes, enfin, tout ce qui manquait, quoi, en Union soviétique. La dimension de la culture matérielle, quoi. Donc ça a donné aussi pas mal de tracas aux responsables de ce camp, en fait. C'est d'autant plus compliqué. Nicolas Badalassi. que dans les années 70, lorsque la propagande soviétique continue à présenter l'Allemagne comme revancharde et qu'au nom des 25 millions de morts soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, il faut continuer à s'opposer à la renaissance allemande ou en tout cas à l'Occident, ben, ce message-là, on ne voit pas comment il pourrait passer dans la mesure où on a un chancelier, notamment en Allemagne, qui s'appelle Willy Brandt, qui a fui l'Allemagne nazie dès 1933, qui est donc absolument pas jugé responsable du nazisme, hein, puisque lui-même ne l'était pas, et qui symbolise le changement, finalement, de génération en Allemagne. Donc, en fait... En Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Ouest, bien sûr. Donc, le roman national et idéologique soviétique tombe, à ce moment-là, au cours de cette décennie, et les publications... les fameux samizdat, c'est-à-dire les livres interdits publiés à l'Ouest des dissidents, comme l'archipel du Goulag, qui est le plus célèbre, ben, n'aide pas non plus. Parce que la vérité sur ce qu'est l'URSS apparaît au grand jour. On le voit très bien en France, par exemple, où vous avez des penseurs, des intellectuels ancrés à gauche qui aussi avouent à quel point ils se sont trompés sur le régime soviétique. C'est partout en Occident. Donc oui, ce changement de génération à l'Est comme à l'Ouest, en fait... discrédite le modèle soviétique. Et la succession des événements à partir de 78-79 va enfoncer encore plus l'URSS. L'invasion de l'Afghanistan, qui est l'une peut-être des pires erreurs que les soviétiques aient faites, parce qu'ils se sont mis à dos tout le monde musulman, alors qu'une partie du monde musulman était proche d'eux. Là, en fait, ils arrivent à se couper de l'un de leurs principaux soutiens dans le tiers-monde. La crise polonaise... dans la première moitié des années 80, avec l'apparition du syndicat Solidarnosc, qui montre à quel point l'URSS n'est plus capable d'intervenir. Comme son armée est en Afghanistan, elle ne veut pas s'enliser sur deux fronts à la fois. Donc le fait que les Polonais se révoltent et que l'URSS soit en réalité incapable de répondre, ça montre son affaiblissement. Reagan et le fameux projet Star Wars IDS, qui met, comme je l'ai dit, les soviétiques au pied du mur. Et puis, petit à petit, l'arrivée d'une nouvelle génération avec Gorbatchev, qui lui a bien compris qu'il fallait revoir le modèle. Gorbatchev ne souhaite pas sortir du communisme, hein, mais il souhaite réformer le système. Et Gorbatchev négocie en plus. Il négocie très bien avec Reagan. Il négocie le désarmement. C'est-à-dire que c'est vraiment avec Gorbatchev qu'on passe de la logique de limitation des armements au désarmement, parce qu'il a bien compris que l'économie soviétique ne serait pas viable à long terme si jamais on ne diminuait pas les dépenses. Or, Reagan, dans son deuxième mandat, à partir de 84, c'est l'un de ses objectifs. Dans la mesure où l'IDS a bien montré que l'URSS ne suivrait pas, il est temps désormais de négocier. Et là commencent les vraies négociations. Et on va petit à petit se diriger vers le traité START, signé en 1991, où là, à la place, c'est plus SALT. SALT, c'est L, Limitation. START, c'est Reduction. Donc on voit qu'on entre dans une toute nouvelle logique. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça ne plaît pas aux militaires. Pour commencer. Il y avait surtout le développement des relations de toutes sortes, relations économiques, échanges universitaires. Sabine Dulin est spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Europe orientale. En France, les premiers étudiants, qui, par exemple historiens qui travaillent sur la Russie, peuvent partir un an avec des bourses dans les années 60 grâce aux accords entre De Gaulle et la Russie. Moi-même, la première fois que je suis partie apprendre le russe, c'était encore l'URSS. Et c'était selon un article du protocole franco-soviétique qui avait été mis en place à l'époque de De Gaulle. Donc c'est plutôt tous ces échanges qui ont pu se mettre en place, qui ont de ce fait très largement contourné ce rideau de fer, cette fermeture des sociétés qui existaient à l'époque précédente. Et c'est véritablement cette multiplicité des contacts qui a pu jouer un rôle dans l'érosion de l'idéologie, dans la découverte aussi d'un monde occidental finalement assez attractif, eh bien c'est sans aucun doute tout ça qui va beaucoup éroder les affirmations marxistes-léninistes qui indiquaient quand même que l'Occident était un lieu uniquement d'exploitation, de pauvreté. Et évidemment, le contact démontrait que tout était plus compliqué et qu'au fond, souvent, les Occidentaux vivaient mieux que la manière dont on vivait en Europe de l'Est. Would you welcome Samantha Smith? À son retour, Samantha Smith est célébrée par les médias, invitée au plus grand show télévisé et portée au nu pour avoir courageusement franchi le mur. L'opération Samantha Smith est un succès. mais un succès qui ne dure pas. Yeah, I know you were excited the last time we talked about going to the Soviet Union. Tell me about the trip. Now, how did you prepare? Well, we were gonna be meeting lots of kids. Right. Et puis l'autre gros problème de Samantha Smith, c'est qu'elle arrive donc en août, elle repart, mais le problème c'est que dans la nuit du 31 août au 1er septembre 83, Andrei Kozovoy, l'URSS va se tirer une balle dans le pied en abattant un avion civil sud-coréen qui avait violé l'espace aérien soviétique. Et cette méprise, en fait, ils l'ont pris pour un avion espion, fait 269 morts. Et donc l'impact potentiel positif en termes d'image pour l'Union soviétique de ce voyage de Samantha Smith, il va être réduit à néant suite à ce drame qui se produit en fait peu de temps après. Voilà. Et ce qui donne bien sûr au président Reagan l'occasion de dire « Je vous avais dit que l'Union soviétique c'est l'empire du mal », c'est un discours, célèbre discours qu'il prononce au cours de l'année 83. Et bien là, vous en avez la preuve. Je vous exhorte à vous opposer à ceux qui ont placé l'Amérique en situation d'infériorité militaire et morale. Je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, la tentation de vous déclarer au-dessus de tout cela et de considérer que les deux côtés se valent, d'ignorer l'histoire et les pulsions agressives d'un empire du mal. Ainsi, vous retirez de la lutte entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Qui d'autre qu'un empire du mal peut tirer ainsi sur un avion civil juste parce qu'il a violé l'espace aérien de ce pays, quoi. Donc les vacances de Samantha Smith font pâle figure à côté de cet événement. Bien sûr, tout ça, ça va être rapidement oublié, mais l'impact, si vous voulez, en termes de longue durée, va être quand même important côté soviétique. Hein. La mémoire de ce voyage, elle va rester chez les soviétiques qui s'en souviennent, qui lisaient la presse à ce moment-là, qui ont suivi les informations, parce qu'il faut bien se rendre compte de quelque chose, que on parle très peu de ce qui se passe réellement en Occident à ce moment-là. Et il y a une vraie soif, un vrai appétit pour l'information en provenance d'Occident. Donc, ça explique qu'il y a beaucoup de soviétiques qui s'intéressent énormément à la politique étrangère, qui vont aller poser des questions parfois très dérangeantes aux propagandistes qui font ces conférences, qui vont écouter des radios qui normalement sont censées être brouillées, des radios étrangères comme Voice of America par exemple, Voix de l'Amérique. Et donc là, enfin, on a un personnage qui n'est pas un adulte, un enfant, et donc ça répond aux préoccupations, aux intérêts, aux curiosités, aux questions que peuvent se poser les enfants, les adolescents soviétiques. C'est des questions tout à fait normales. C'est comment est-ce qu'on vit là-bas? Est-ce que les gens sont vraiment malheureux aux États-Unis? Comment on nous l'explique? Là, au contraire, on a quelqu'un qui respire la joie de vivre, Samantha Smith. Et cette mémoire, elle va subsister, et quand Samantha Smith va mourir dans un accident d'avion en 1986, ce sera un véritable drame pour beaucoup de soviétiques. On va énormément en parler à ce moment-là. Au même moment, la guerre continue en Afghanistan. Une guerre mal vue par les opinions publiques, à l'ouest, mais aussi à l'est. Здравствуйте, товарищи. Bonjour camarades. Déclaration du gouvernement soviétique. En agissant d'après le respect complet des accords de Genève, l'URSS a terminé le retrait de ses troupes d'Afghanistan. Dorénavant, dans ce pays, il ne reste plus aucun soldat soviétique. Et c'est donc Gorbatchev, une fois de plus, qui va annoncer à ses collègues du Politburo à partir des années 86-87 qu'il faut absolument arrêter cette guerre et qu'on va mettre fin parce qu'il faut donner des gages aux Occidentaux en même moment en se montrant comme un pays qui veut effectivement mettre fin à la guerre. On ne peut pas continuer à avoir un dialogue avec les Occidentaux tout en menant cette guerre en Afghanistan. C'est ce que Gorbatchev s'est forcé de faire. Et le retrait définitif des forces, on sait, aura lieu en 89. Mais je vais quand même souligner quelque chose, c'est que les médias, oui, cachent beaucoup de choses, mais dans le même temps, et c'est grâce à Gorbatchev qu'on va le savoir, les mères de soldats, notamment, écrivent des lettres déchirantes souvent au Politburo, c'est-à-dire l'organe central décisionnel du Parti communiste soviétique, comité central, etc. Ils écrivent des lettres en demandant ce que deviennent leurs enfants sur place, pourquoi est-ce qu'ils restent sur place, et quel est le but de cette guerre, pourquoi elle ne s'arrête pas, etc. Voilà. Parce qu'il y a une contradiction, évidemment, entre le message officiel soviétique qui est celui de dire « nous sommes pour la paix », nous défendons la paix, nous sommes des pacifistes pour une paix armée, certes. Et puis, dans le même temps, continuer cette guerre absolument absurde dont le but est totalement incompris des soviétiques de la base. Évidemment, tout ça se voit particulièrement au moment de Tchernobyl, hein, où finalement, Gorbatchev lui-même n'arrive pas à être informé de ce qui se passe véritablement à cause de tous ces écrans successifs qui font qu'on ne peut pas véritablement faire du management efficace. Sabine Dulin. Et donc, je pense que là, c'est suffisamment grave, cette catastrophe nucléaire, pour que Gorbatchev, mais pas seulement Gorbatchev, son entourage, prenne conscience du fait que là, il est temps, effectivement, de modifier les règles du jeu et de fluidifier un petit peu le fonctionnement du système. Hein. Ben, ça va pas être évident, mais c'est vrai que c'est, je pense, un électrochoc qui accélère les choses, et finalement, dans l'accélération, ce qui va dominer, c'est le démantèlement d'un système, mais pas véritablement la reconfiguration du système, qui était sans doute très très difficile à imaginer. Donc ça va aller dans le sens, finalement, d'un effondrement de ce qui existait. La guerre froide se termine-t-elle avec la chute du mur de Berlin ? Le souvenir qui me reste de cet événement, ce sont des adultes qui n'en peuvent plus de joie, et promettent les larmes aux yeux que le monde va changer, c'est certain. Le même, mais en plus beau, en plus brillant, en plus éclatant. Une fin heureuse pour l'éternité. Mais avec la disparition du mur, la guerre froide n'est pas encore tout à fait terminée. Alors, si vous voulez, hein, une vraie date à laquelle on se met d'accord là-dessus, c'est décembre 1989, sommet de Malte. Nicolas Badalassi. Lorsque, effectivement, George Bush, qui était le vice-président de Reagan et qui est devenu président, hein, et Gorbatchev officialisent la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que c'est terminé de la compétition idéologique. Gorbatchev accepte de ne plus soutenir les mouvements marxistes dans le tiers-monde. Donc, c'est une vraie réconciliation à ce moment-là. Et Bush, d'ailleurs, va tout faire pour éviter le triomphalisme, désormais, pour ne pas humilier Gorbatchev, contrairement à ce que dit M. Poutine aujourd'hui, et faire en sorte d'intégrer progressivement l'Union soviétique dans le système mondialisé occidental. Mais cette rencontre de Malte en décembre 89, c'est un vrai moment de dialogue et une reconnaissance officielle de la fin de la guerre froide. Mais les jeux sont déjà faits à ce moment-là, puisque à partir du moment où, en 88, Gorbatchev a décidé de réduire considérablement la voilure sur les troupes soviétiques déployées à l'étranger, c'est-à-dire qu'il retire 500 000 hommes d'Europe de l'Est, à partir du moment où, en 1989, il refuse d'envoyer l'armée à Berlin pour réprimer les mouvements qui conduisent à la chute du mur, eh bien, on voit bien que c'est fini. L'URSS n'est plus du tout dans la même logique. Donc, Malte est souvent présentée comme la fin de la guerre froide, mais en réalité, c'est un processus progressif, en fait. Alors, entre 1988, le moment où Gorbatchev perd pied, en quelque sorte, et la chute définitive de l'URSS en 1991, où, après le putsch raté contre Gorbatchev par les durs du régime, on voit bien que ça en est fini de l'URSS. Donc, on est plutôt sur la durée, mais une courte durée finalement, puisque c'est à peine 3-4 ans. Türhaus, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle, la liberté de passer pratiquement sans entrave d'un côté à l'autre de l'Allemagne. Extraordinaire, sensationnel, en un mot historique. Quand le mur tombe, ce qui tombe surtout, c'est la capacité du régime est-allemand à être légitime auprès de sa population. Emmanuel Droit est spécialiste de l'histoire de l'Allemagne de l'Est, la RDA. Il est rendu possible évidemment par le feu vert indirect de Mikhail Gorbatchev qui laisse les chars soviétiques dans les casernes et qui n'autorise pas finalement les Allemands de l'Est à recourir à la force. Mais même les réformateurs est-allemands ne sont pas forcément convaincus que la force est une solution et qu'il vaut mieux essayer de garder la tête du bateau en pilotant une vague réforme démocratique. Mais peut-être que la guerre froide, alors soit elle se termine après 1990, mais on peut aussi imaginer que d'une certaine manière, elle est déjà terminée avant 1989, vous voyez. J'aime souvent citer cet ouvrage d'un journaliste allemand qui s'appelle Peter Bender, qui écrit en 1979 un essai roboratif dans lequel il défend la thèse selon laquelle la guerre froide est terminée. Parce que la manière de penser le monde de façon bipolaire est plus du tout adaptée aux enjeux globaux du monde, qui sont des enjeux migratoires, environnementaux. À l'époque, on parlait des pluies acides qui ravageaient les forêts, et que donc le cadre bipolaire, il est plus pertinent. Par contre, les dirigeants est-allemands, eux, ceux qui restent en place jusqu'en 1989, ils sont convaincus que le cadre de la guerre froide, il est encore opératoire, qu'il y a le camp du bien et le camp du mal, et que l'impérialisme cherchera toujours à déstabiliser le camp du socialisme en distillant le poison de la révolte et de la discorde. Donc il y a plusieurs manières en fait de voir les débuts et les fins de la guerre froide, ce qui fait que cet objet est toujours aussi passionnant à étudier. Alors que la guerre froide n'était plus qu'un souvenir enterré, elle est toujours là, active dans nos têtes, elle nous habite. Comme une impression d'avoir mal terminé. Un triomphe trompeur sur le passé. Sur le moment, je pense que tout le monde pense que c'est un succès. Sabine Dulin. Puisque d'abord, c'est quand même globalement très pacifique. Il y a seulement Tiananmen en Chine, et puis quelques répressions en Géorgie, au Kazakhstan, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais globalement, à l'échelle de ce que représentait le bloc soviétique, ce qui frappe, c'est à la fois la vitesse du changement, puisque en 89, en fait, l'ensemble du bloc de l'Est se transforme en régime démocratiquement élu, plus la réunification allemande, et personne ne s'y attendait, ni Gorbatchev, mais pas non plus Mitterrand, Thatcher, etc. Donc c'est la vitesse et le caractère pacifique de cet ensemble qui fait que, au sortir de ces années 89-91, l'idée c'est plutôt une grande victoire, une libération, un succès, l'absence de sang versé ou presque. C'est une guerre qui ne se termine pas par une victoire militaire, puisque précisément, c'est pas une guerre ouverte. Jean-Vincent Olyndre est politiste. Sa spécialité, c'est la stratégie. C'est une guerre qui s'achève, si tant est qu'on puisse employer cette expression, par l'implosion d'un des belligérants sur cette période qui va de 89 à 1991. Et donc, c'est une guerre qui n'est pas gagnée par les États-Unis. C'est là la grande méprise, en fait, par rapport à l'interprétation de l'après-guerre froide. Il n'est pas certain que la Russie, contrairement à ce que dit Vladimir Poutine, ait été humiliée par les États-Unis. Mais ce qui est vrai, parce que évidemment, ce discours de humiliation, c'est une manière pour Vladimir Poutine de justifier en quelque sorte sa manière d'avoir fait la guerre, d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années. Il faut recouvrer l'honneur parce qu'on a été humilié. Je ne crois pas que ce soit exact. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les États-Unis ont fait comme s'ils avaient gagné la guerre froide, alors qu'en réalité, c'est une guerre qui a d'abord été perdue par la Russie, au sens où le modèle soviétique s'est effondré. C'était un modèle qui, à un moment donné, n'était plus opérant, qui ne pouvait plus fonctionner. C'est très différent. Et donc, peut-être que les États-Unis se sont mis dans une situation où ils ont considéré que c'était leur modèle qui avait gagné. Gagner la guerre froide, au sens où le modèle libéral l'emportait et où le droit et la démocratie, tel qu'ils le concevaient, devaient s'étendre. C'est le fameux discours du nouvel ordre mondial de George Bush père, ce discours de diffusion des normes libérales. On sait bien aujourd'hui, 30 ans plus tard, que ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Et que la mondialisation n'est pas homogénéisation, et au contraire, que la revendication d'identité particulière n'a jamais été aussi forte que dans cette période de mondialisation. Et c'est peut-être là l'erreur de l'hyperpuissance américaine. C'est de ne pas avoir tiré la leçon de la fin de la guerre froide, non pas en humiliant la Russie, mais en se concevant comme la puissance qui allait normer le monde. Et en relation internationale, ce type d'initiative visant à normer le monde, le type, j'irais, qui renvoie à la tentation impériale, on sait que ça débouche, en général, sur, je ne dirais pas une défaite, mais sur quelque chose qui n'est pas une victoire. Et là, il y a une erreur d'appréciation des États-Unis, sans doute aussi des puissances occidentales, sans doute aussi les pays européens, au lendemain de la guerre froide, n'ont pas suffisamment tenu compte de leur spécificité. Parce que l'Europe a été l'épicentre des guerres du XXe siècle. Et ils ont considéré qu'avec la fin de la guerre froide, au fond, l'Europe ne serait plus l'épicentre des guerres et ne serait plus l'épicentre du monde. Et là, il y a une responsabilité des différents pays européens, une grande responsabilité de l'Allemagne, dont on peut comprendre qu'elle n'ait pas souhaité se réarmer. C'est-à-dire, c'est parfaitement compréhensible, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on en paye le prix. Pendant 20 ans, on s'est dit, ce monde de la guerre froide a disparu. Non, en fait, il n'a pas disparu. premièrement. Et deuxièmement, nous n'avons pas su véritablement tirer la leçon de cette période, non pas parce qu'on a rabaissé la Russie, c'est pas exact, mais parce qu'on tout simplement on s'est cru peut-être moins vulnérable que nous l'étions véritablement. Merci à Sabine Dulin, Andrei Kozovoy, Emmanuel Droit, Jean-Vincent Olindre, Alexandre Riosbord, Marjolaine Boutet et Nicolas Badalassi. Merci également à Claude Rouault et à Matteo Demoura. Recherche musicale, Antoine Vuillose. Prise de son, Andreas Jaffré et Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Bruno Mourlan. Coordination, Perrine Kervran. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier. C'était La guerre froide dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.